Chapitre 4. Wilbold de Eisenfeld. La joie de la marâtre fut grande en voyant mourir le seul héritier de la famille Rosenberg. Mais Dieu la trompa dans ses espérances. Elle n'eut ni fils ni fille et mourut elle-même au bout de 3 ans. Valdemar lui survécut de 3 ou 4 années encore et fut tué dans une chasse. Les uns disaient par un sanglier qu'il avait blessé, les autres disaient par un paysan qu'il avait fait battre de verge. Le château de Vistgave et les propriétés environnantes tombèrent alors en possession d'un parent éloigné, nommé Wilbold de Eisenfeld. Celui-là n'était point un méchant homme, c'était bien pis que cela. C'était un de ces hommes insoucieux de leur âme, qui ne sont ni bons ni mauvais, qui font le bien et le mal sans amour ni haine, écoutant seulement ce qu'on leur dit et près desquels le dernier qui parle a toujours raison. Brave du reste, et estimant la bravoure, mais se laissant facilement prendre aux apparences du courage, comme il se laissait prendre aux apparences de l'esprit et de la vertu. Le baron Wilbold vint donc habiter le château du comte Osmond et de la comtesse Berthe, amenant avec lui une charmante petite fille au berceau, qu'on appelait Hilda. Le premier soin du régisseur actuel fut de mettre son nouveau seigneur au courant des revenus et des charges attachés à la propriété. Au nombre des charges était la bouillie au miel, dont l'usage avait tant bien que mal subsisté jusque-là. Or, comme le régisseur dit au baron que ses prédécesseurs attachaient une grande importance à cette institution, et que lui-même croyait fermement que la bénédiction du Seigneur était attachée à cette coutume, Wilbold non seulement ne fit aucune observation contraire, mais encore donna l'ordre que, tous les 1er mai, la cérémonie eut lieu avec toute son antique solennité. Plusieurs années s'écoulèrent, et le baron donnait chaque année une si copieuse et si bonne bouillie que les paysans, en faveur de cette obéissance au commandement de la comtesse Berthe, lui passaient tous ses autres défauts, et ses autres défauts étaient nombreux. Il y a plus, quelques autres seigneurs, soit par bonté, soit par calcul, adoptèrent l'usage du château de Vistgave et fondèrent aussi, pour l'anniversaire de leur fête ou pour celui de leur naissance, des bouillies plus ou moins sucrées. Mais au nombre de ces seigneurs, il en était un que non seulement le bon exemple ne gagna point, mais encore qui empêchait les autres de le donner ou de le suivre. Cet homme, qui était un des amis les plus intimes du baron, un de ses convives les plus assidus, un de ses conseillers les plus influents, se nommait le chevalier Hans de Warburg. Le chevalier Hans de Warburg était, au physique, une espèce de géant de 6 pieds 2 pouces, d'une force colossale, toujours armé d'un côté d'une grande épée, qu'à chaque geste de menace qu'il faisait, il frappait sur sa cuisse, et d'un poignard qu'il tirait à chaque moment par manière d'accompagnement à ses paroles. Au moral, c'était l'homme le plus poltron que la terre ait jamais porté, et quand les oies de son domaine couraient après lui en sifflant, il se sauvait comme si le diable était à ses trousses. Or, nous l'avons dit, non seulement le chevalier Hans n'avait pas adopté l'usage de la bouillie, mais encore il l'avait empêché de s'étendre chez plusieurs de ses voisins sur lesquels il avait quelque influence. Ce ne fut pas là tout. Enchanté de ses réussites en ce genre, il entreprit de faire renoncer Wilbold à cet antique et respectable usage. « Pardieu ! » lui disait-il. « Mon cher Wilbold, il faut convenir que tu es bien bon de dépenser ton argent à repaître un tas de fainéants qui se moquent de toi avant même qu'ils aient digéré le repas que tu leur donnes. » « Mon cher Hans, répondait Wilbold, j'ai pensé, crois-le bien, plus d'une fois à ce que tu dis là, car, quoique ce repas ne se représente qu'une fois par an, il ne laisse pas que de coûter à lui seul autant que 50 repas ordinaires. Mais que veux-tu ? C'est une fondation à laquelle, dit-on, est attaché le bonheur de la maison. Et qui te conte ces balivernes, mon cher Wilbold? Ton vieil intendant, n'est-ce pas? Je comprends. Comme il grappille au moins 10 écus d'or sur ton festin, il a intérêt que le festin se perpétue. Et puis, dit le baron, il y a encore autre chose. Qu'y a-t-il? Il y a les menaces de la comtesse. De quelle comtesse? De la comtesse Berthe. Tu crois tous ces contes de grand-mère, toi? Ma foi, ils sont avérés, et il y a dans les archives certains parchemins. Alors tu as peur d'une vieille femme? Mon cher chevalier, dit le baron, je n'ai peur d'aucune créature vivante, ni de toi ni d'aucun autre, mais j'avoue que j'ai grand-peur de ces êtres qui ne sont ni chair ni os, et qui se donne la peine de quitter l'autre monde tout exprès pour nous visiter. » Hans éclata de rire. « Alors, à ma place, dit le baron, tu ne craindrais rien ?»« Je ne crains ni Dieu ni diable, reprit Hans en se redressant de toute sa hauteur. « Eh bien, soit, dit le baron, au prochain anniversaire, et ce ne sera pas long, car le 1er mai arrive dans 15 jours, je ferai un essai. » Mais, comme de là au 1er mai le baron revit l'intendant, il revint sur sa première résolution, qui était de ne pas donner la bouillie du tout, et ordonna qu'au lieu de donner un festin, on donna un repas fort ordinaire. Les paysans, en voyant cette parcimonie à laquelle ils n'étaient point habitués, furent étonnés, mais ne se plaignirent point. Ils pensèrent que leur seigneur, ordinairement si généreux à cette occasion, avait cette année des motifs d'être économe. Mais il n'en fut pas ainsi des êtres qui savent tout et qui présidaient, comme il faut bien le croire, aux destinées des propriétaires du château de Vestgave. Ils firent, pendant la nuit qui suivit ce maigre repas, un tel remue-ménage que personne ne put dormir dans le château, et que chacun passa la nuit à aller ouvrir les portes et les fenêtres pour savoir qui battait aux unes et qui frappait aux autres. Mais nul ne vit rien, pas même le baron. Il est vrai que le baron tira son drap par-dessus sa tête et se tint coi et couvert dans son lit. Wilbold, comme tous les caractères faibles, était facile à s'entêter sur certains points. Puis, il faut le dire, il avait été encouragé par l'impunité, car ce n'était pas une bien grande punition que de ne pas dormir de toute la nuit. Et si l'on gagnait à cette occasion 1 000 000 florins, c'était encore une bonne affaire faite. Ainsi donc, encouragé par les exhortations de Hans, et ne voulant pas avoir l'air de détruire une si religieuse coutume tout d'un seul coup, le 1er mai suivant, il convoqua les paysans comme d'habitude. Mais cette fois, se tenant au terme du contrat qui fondait une bouillie et qui ne disait pas un mot du dîner qui le précédait, il fit servir une pure et simple bouillie, sans aucun accompagnement de viande ni vin. Et encore, ceux qui avaient le palais exercé crurent-ils remarquer qu'elle était moins sucrée que l'année dernière. Non seulement le baron Wilbold avait supprimé tous les accessoires du festin, mais encore il avait économisé sur le miel. Aussi, cette fois, les visiteurs nocturnes se fâchèrent-ils tout de bon. Pendant la nuit qui suivit, on entendit un vacarme épouvantable dans toute la maison et, le lendemain, on trouva les carreaux, les lustres et la porcelaine cassés. L'intendant fit le relevé du dommage causé par cet accident et il se trouva qu'il montait juste à la somme que, dans les temps ordinaires, les châtelains de Vestgave dépensaient pour le repas du 1er mai. L'intendant comprit l'allusion et ne manqua pas de mettre sous les yeux de Wilbold son compte établi avec une balance égale. Mais cette fois, Wilbold s'était fâché tout de bon. D'ailleurs, quoiqu'il eût entendu l'affreux sabbat qui, pendant toute une nuit, avait mis le château sans dessus dessous, il n'avait encore vu personne. Il espérait donc que la comtesse, qui n'avait pas reparu depuis la nuit où elle était revenue bercer le petit Hermann, était maintenant morte depuis trop longtemps pour sortir de son tombeau. Et puisqu'il fallait, au bout du compte, qu'il lui en coûtât chaque année une somme fixe, Il aimait autant que ce fût à renouveler son mobilier qu'à donner à manger à ses paysans. L'année suivante, il se résolut donc à ne rien donner du tout, pas même la bouillie. Seulement, comme il comprenait que cette infraction totale aux anciennes coutumes mettrait la comtesse Berthe dans une colère proportionnée à l'offense, il se décida à quitter le château le 28 avril et à n'y revenir que le 5 mai. Mais à cette résolution funeste, il trouva une douce opposition. 15 ans s'étaient écoulés depuis que le baron Wilbold de Eisenfeld avait pris possession du château et, pendant ces 15 ans, cette jolie petite enfant que nous y avons vue entrer dans son berceau avait grandi et avait embelli. C'était donc maintenant une charmante jeune fille, douce, pieuse et compatissante, qui, toujours renfermée dans sa chambre, avait pris à ses habitudes solitaires une douce et continuelle mélancolie qui allait admirablement à l'air de son visage et qui s'harmonisait à merveille avec son doux nom de Hilda. Or, quand Hilda apprit que son père était décidé à supprimer cette année la bouillie au miel, elle lui fit, toujours contenue cependant dans les bornes du respect filial, toutes les observations possibles. Mais ni sa douce voix, ni ses doux regards ne purent rien sur le cœur du baron qu'avait endurci les mauvais conseils de son ami Hans. Au jour fixé par lui, il quitta donc le château, déclarant à son intendant que cette sotte coutume de la bouillie au miel durait depuis d'assez longues années et qu'à partir du 1er mai suivant, il était décidé à abolir cette coutume, non seulement onéreuse pour lui, mais encore d'un mauvais exemple pour les autres. Alors Hilda, voyant qu'elle ne pouvait faire revenir son père à de meilleurs sentiments, réunit toutes ses petites épargnes et, comme elle montait justement à la somme qu'aurait dû dépenser le baron, elle prit à pied le chemin des villages qui dépendaient de la baronnie, disant tout haut que son père, forcé de s'absenter, n'avait pu donner cette année la bouillie au miel, mais l'avait chargé de distribuer la somme que coûtait annuellement le repas aux pauvres, aux malades et aux vieillards. Les paysans la crurent ou firent semblant de la croire, et, comme le dernier repas ne leur avait pas laissé de bien agréables souvenirs, ils furent enchantés de voir se changer un maigre festin en une grande aumône et bénirent la main par laquelle il plaisait au baron Wilbold d'étendre ses bienfaits sur eux. Il n'y avait que les esprits du château qu'on ne pouvait pas tromper et qui ne se laissaient aucunement prendre aux pieux mensonges de la belle Hilda. Le 4 mai, Wilbold revint au château. Son premier soin fut de demander s'il s'était passé quelque chose en son absence. Mais comme il apprit que tout avait été tranquille, que ses vassaux ne s'étaient pas plaints, que les esprits n'avaient point fait tapage, il demeura convaincu que sa persistance les avait lassés et qu'il en était débarrassé à jamais. En conséquence, après avoir embrassé sa fille et donné les ordres pour le lendemain, il alla se coucher tranquillement. Mais à peine fut-il dans son lit qu'il se fit dans le château et autour du château un tapage comme jamais oreilles humaines n'en avaient entendu. Autour du château, les chiens hurlaient, les chouettes piaillaient, les hiboux roucoulaient, les chats miaulaient, la foudre grondait. Au-dedans du château, on traînait des chaînes, on renversait des meubles, on roulait des pierres. C'était un bruit, un vacarme, un remue-ménage, à croire que toutes les sorcières de la contrée, convoquées par le grand diable d'enfer, avaient changé le lieu ordinaire de leur séance et, au lieu de se réunir comme d'habitude au Brocken, se tenaient dans le manoir de Vistgave. À minuit, tout bruit cessa, et le silence le plus profond se répandit si bien que chacun put entendre sonner les 12 heures les unes après les autres. À la dernière, Wilbold, un peu rassuré, sortit la tête de dessous sa couverture et se hasarda à regarder autour de lui. Tout à coup, ses cheveux se hérissèrent sur son front, une sueur glacée coula sur son visage, une main de feu sortait de la muraille en face de son lit et du bout du doigt, comme une plume, traçait sur les sombres parois de la chambre les paroles suivantes. Pour obéir aux vœux de la comtesse Berthe, Dieu, baron de Wilbold, te donnera 7 jours, ou sinon tu verras, artisan de ta perte, le manoir de Wisgave t'échapper pour toujours. Puis la main disparut, puis, l'une après l'autre, dans l'ordre où elle avait été tracée, chaque lettre s'effaça. Puis enfin, la dernière lettre éteinte, la chambre qui un instant avait été éclairée par ce quatrain de flamme, retomba dans la plus profonde obscurité. Le lendemain, tous les serviteurs du baron, depuis le premier jusqu'au dernier, vinrent lui demander leur congé, lui déclarant qu'ils ne voulaient plus rester dans le château. Le comte, qui au fond du cœur avait aussi bonne envie qu'eux de le quitter, leur déclara que, ne voulant pas se séparer de si bons serviteurs, il était décidé à aller habiter un autre domaine et à abandonner le manoir de Wisgave aux esprits qui paraissaient vouloir en réclamer la possession. Le même jour, malgré les pleurs de Hilda, on quitta donc le vieux donjon pour aller habiter le château de Eisenfeld, qui venait au baron de la succession paternelle et qui était situé à une demi-journée de celui de Wisgave.